table. Mon enfant, lors des fêtes ou des baptisés, oui, mais sacrement t'es recevoir. Mais j'en dis en parle mon deuxième sacrement, qui relève l'Eucharistie. Oui, j'en dis en parle grand engagement, c'est première communion. Maintenant, pour capable jouer avec mon Dieu, c'est ça que fait ou montrer ou la prière. Yo bambi gon zam qui gagne dans le monde, zam qui relève la Bible. On est bien qu'un bagay qu'un passa baou, c'est Jéhovah qui vous baouli. Petit catholique, allons sans recevoir le corps du Christ, on va fêter ça. Petit catholique, allons sans recevoir le sang du Christ, on va fêter ça. Au son de la trompette et du tambour, on va fêter ça. Au son de la trompette et du tambour, on va fêter ça. Au son de la trompette et du tambour. Hey! celle pour la mer, chaîne de bouclier. Moi, finis c'est pour me baptiser. Moi, finis c'est pour.